Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Installez-vous confortablement. Marc et moi, on vous a préparé un bon 2 heures de rock progressif et on commence avec une nouveauté en provenance de New York, c'est Eden Song, un premier extrait du troisième album qui doit paraître au début du mois de mai. L'album a pour titre Our Road to Dust et on va avoir ce soir la pièce titre, premier extrait donc pour ce nouvel album que l'on pourra découvrir sur scène puisque Eden Song se produira à la Chapelle Spectacle dans le cadre de la 18e édition du festival Terra Incognita. La même journée, on va accueillir aussi le groupe montréalais Chaos Moon et la formation américaine de New York aussi, Is. Les billets sont disponibles sur le site internet de la Chapelle Spectacle. Et puis Marc, pour faire suite à ce premier extrait de Eden Song, on a un second extrait d'un artiste qui nous a visité il y a quelques années, justement dans le cadre du festival Terra Incognita. Oui, en effet, il s'agit de Bjørn Riis, musicien norvégien, guitariste et chanteur, qui était venu nous visiter en 2019 pour nous présenter ses deux premiers albums, Lullabies in a Car Crash et Forever Comes to an End, qui fera paraître le 11 avril prochain son nouvel album Filmventyr, qui est son 5e en carrière. On vous en a présenté une première pièce il y a quelques semaines, Gone. Cette semaine, on a pour vous la pièce She, et ce sera suivi de la formation italienne Nuova Era, qui vient de faire paraître son nouvel album Viente Milta Leghe Sotto I Mari, qui signifie 20 000 lieues sous les mers, inspiré du roman de Jules Verne, qui relate le voyage de 3 naufragés qui sont capturés par le capitaine Nemo, un mystérieux inventeur qui parcourt le fond des mers à bord du Nautilus, un sous-marin très sophistiqué pour son époque. L'album est composé de 2 pièces. Il y a une longue pièce qui a pour titre 20 000 lieues sous les mers et qui dure 36 minutes. Et une seconde pièce qui s'intitule Nautilus et qui dure 16 minutes. Alors sur la version vinyle, il n'y a que la pièce de 36 minutes et la pièce bonus est sur la version CD. Alors ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est un extrait de la longue pièce 20 000 lieues sous les mers. Et comme vous disait Michel, on débute l'émission de ce soir avec la nouveauté de Eden Song. Our ambition doesn't go to die a silent death among the drying, growing, flame-torn landscape of the West. But rest while we rest by day among decay and rust. And by night shepherds our way that constant frigid desert wind along our road to dust. Try trail of footsteps leave no trace. Careful to pack back out what we pack in this hallowed space. Instead disgraced, you'll know us in the acrid air, scorched trust. Our distant stares, the flares we used of fallen friends as landmarks all along our road to dust. Every time I feel alone, every time the sun is down, when I feel it's coming on, whenever I lose control, she's always here. is always here for me. She's always here for me. Fly. She's always here. She's always here for me. Thank you. De retour à Terra Incognita avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau, on amorce cette nouvelle demi-heure avec une nouveauté en provenance de Norvège. Le groupe a pour nom Moon Soon. C'est le projet de deux musiciens, c'est-à-dire le batteur Helge Nyheim et le réalisateur et compositeur Daniel Haug. Parmi les invités sur cet album, on remarque la présence du saxophoniste Ian Ritchie. Ian Ritchie, c'est un musicien et un réalisateur écossais qui a notamment travaillé avec Roger Waters, et c'est lui qui a réalisé l'album Radio Chaos. Sur ce premier album de Moon Soon, Ian Ritchie joue du saxophone. Et on retrouve évidemment des musiciens norvégiens qui contribuent aussi à cet album. Un album, je vous avoue que j'ai bien hâte d'entendre, parce que si je me fie au premier extrait, ça risque d'être excellent. L'album paraîtra le 2 mai et ce soir, on vous présente comme premier extrait Rays of Cosmic Embers Part 2. C'est floydien et psychédélique à mon goût. Et puis, du New Jersey, de 20 Committee, un extrait d'un album qui a pour titre The Cycle Undone. C'est paru en 2023 et on va voir la pièce ce soir, Forevermore. Par la suite, Marc, on va avoir une nouveauté d'un prolifique musicien britannique que l'on apprécie tous les deux. Oui, il s'agit de Brendan Perkins, qui est un compositeur et multi-instrumentiste qui est actif depuis plus de 40 ans. Il joue de la basse, des guitares électriques et acoustiques, les percussions, les claviers. On avait eu d'ailleurs en 2024 plusieurs extraits de son excellent album « Favorite Places ». Et ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est un extrait de son nouvel album Stories from the Old Church Lane, et dont la date de parution est prévue pour le 5 avril. Alors ce qu'on aura pour vous ce soir comme premier extrait, c'est la pièce Amelia's Wedding, et ce sera suivi de la nouveauté de la formation italienne Banco del Mutuo Soccorso, ou tout simplement Banco, une formation qui est active depuis 1969. Ils viennent de faire paraître leur nouvel album Story Invisibili, un album composé de 12 pièces relativement courtes, avec une fois de plus une approche différente et originale. Alors ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est la pièce Spiegami Cello. Mais tout d'abord, comme vous disait Michel, on débute ce bloc musical avec la formation Moon Soon. Hello, Helge Nyheim of Moon Soon here, and I'm proud to present a song from my new album, East of Asteroid. Ages played both left and before, and not be. And all I've seen in this machine forevermore. Mind may never know. face on the porchway in cinder light, as bats will tumble into the night. Thank you. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation de Québec de The Project et ce sera une pièce inédite qui a pour titre The Road to the Night, une pièce qui sera sur leur album qui paraîtra en 2025, probablement vers la fin de l'année. On aura également la formation norvégienne Wizard qui faisait paraître en 2024 son second album Elements. on aura pour vous la pièce GT, Me and My 6610. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une formation américaine qui fait un retour sur disque après plusieurs années d'absence avec non seulement un, mais deux nouveaux albums. Oui, mais quelle bonne nouvelle. Moi, je suis un fan fini des Collines et je dois dire que ça me remplit de joie de voir que le groupe revient avec deux albums qui ont pour titre Time Silence Radio 2 et Time Silent Radio 7. Mais en fait, moi, je dis 7 parce que si je me fie au chiffre romain qui est à côté du titre, je présume que V et 2 barres, c'est 7. Je dois avouer que Ecoline a toujours eu une place de choix dans mon palmarès des groupes prog, une formation qui fait partie de la vague de groupes qui a émergé au début des années 90 et qui, en fait, a donné un signal de la renaissance de la scène musicale progressive. Alors que la Scandinavie nous donnait des groupes comme Anecdoten, Anglagard, Land, Burke et j'en passe, ben aux États-Unis, on retrouvait Ecoline, Discipline, Spock's Beard et plusieurs autres. Une très belle période pour le rock progressif. Personnellement, j'ai eu le grand bonheur de travailler avec le groupe. On a présenté un concert à l'époque, certains s'en rappelleront, au d'Auteuil. À cette époque-là, le groupe avait présenté des albums comme Ecoline, Suffocating the Bloom et As the World. Pour en revenir aux deux nouveaux albums, le premier est constitué de deux pièces épiques, une d'une durée de 16 minutes 37 et l'autre d'une durée de 28 minutes 51 secondes, alors que le second propose sept nouvelles compositions. Ça faisait 10 ans que le groupe n'avait pas présenté d'album. Le dernier en ligne était I Heard You Listening, qui est paru en 2015. Ce soir, on vous propose un extrait du premier album, et c'est une des deux pièces épiques, Time Has No Place. There's nothing. a boiling sea with pieces of you and me that

speaks from his heart, and he smiles with his eyes, tells stories he believes to be true, to be lies. And he drives through the park as he lights up the skies, making up old stories in a new paradise. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation américaine Fido, qui est le projet de Fido Xavier. Et ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est un extrait de l'album Snow Torch qui est paru en 2011, qui était son 9e en carrière. On aura la pièce Snow Torch Part 1. Et selon moi, c'est un des meilleurs albums de sa discographie, avec Infernal qui est paru en 2018, Number 7 qui était paru en 2009 et Doomsday Afternoon en 2007. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on aura un nouvel extrait d'un album d'un multi-instrumentiste italien. Oui, on parle de Mauro Montobbio, qui dans les années 2000 a mis sur pied le groupe Narrow Pass et réalisé deux excellents albums. Et on était à l'époque la présence du chanteur Alessandro Cordaglia pour ses projets, et chanteur qui est par la suite s'est illustré notamment avec la Maschera di Cera. Mauro Montobbio a présenté l'année dernière son premier essai solo, Scattered Memories, et c'est une belle réussite. Ce soir, on vous propose la pièce Take a Mile in My Shoes. Bonsoir, ici Mauro Montobbio et je suis fier de vous présenter un extrait de mon album Scattered Memories. ice melts, upsets the sea. Submit, follow me. Walk with me now in the sunlight. Light, are you back with us now? Source of all reason, I've come alive, finally I cry. And it's me, I have arrived. Now is the seed rooting in me? Is it the tree that I wanted to climb? Down or high, my senses drive on. For all I can see, Thank you. conclure l'émission ce soir, on vous propose un groupe canadien, un groupe ontarien qui a pour nom Alpha Pass 4, et on vous présente un extrait du premier album du groupe qui est paru en 2008. L'album a pour titre Rabbit in the Vestibule et on a sélectionné la pièce Johnny. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Évidemment, on vous invite à nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste. On aura sûrement encore plein de bonne musique à vous faire découvrir. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute de CKRL.